Lettre 41e. Cneius Florianus, centurion de la garde de César Constance au prince Constantin. Eboracum, mars 302. Si je ne connaissais pas aussi bien que je le fais le noble cœur de Constantin, j'aurais peine à me résoudre, moi, son instituteur, à lui faire une confidence telle que celle que renfermera cette lettre. Que va-t-il penser, lui qui, dans la fleur de l'âge, a su résister jusqu'à présent au torrent des passions et ne connaît encore que la sainte amitié? Mais cela même m'encourage. Quand on sait aimer son ami comme toi, on sait l'entendre, le comprendre, et on mérite une entière confiance. Tu te rappelleras sûrement Asinius Ponticus, que tu voyais souvent avant que tu quittasses la Grande-Bretagne. Ton départ laissa un vide cruel dans mon cœur. Je voulus m'en distraire en allant fréquemment dans sa maison. Sa femme et lui étaient païens, mais vertueux. Ils élevaient une jeune orpheline, nommée Valérie, avec tous les soins possibles auxquels cet aimable enfant répondait par mille qualités charmantes. Accoutumé au rôle d'instituteur, ayant perdu mon cher élève, je m'attachai à cette petite fille et j'éprouvais un plaisir indicible à former au bien ce cœur si jeune et si docile. Elle m'aimait tendrement, et 3 années s'écoulèrent ainsi dans la plus douce tranquillité. Mais peu à peu l'enfant disparaissait et faisait place à une jeune personne remplie d'attrait. Ainsi qu'une fleur, je voyais la belle Valérie s'épanouir peu à peu, et je sentais, à la palpitation de mon cœur lorsque je m'approchais d'elle, que si je voulais conserver ma raison et ma sagesse, je devais m'éloigner et rompre tout commerce avec elle. Je l'essayai avec fermeté, mais bientôt j'eus à combattre bien plus que mes propres sentiments. Je ne pus douter que, soit reconnaissance, soit habitude, soit que ce cœur trop sensible et formé pour l'amour se fût laissé entraîner vers le seul être qu'elle vit, Valérie aimait son maître avec la passion la plus ardente. Jamais, je te le jure, je n'avais eu la moindre idée de lui inspirer un sentiment que je croyais impossible qu'elle ressentît pour un homme de mon âge, sévère par caractère, par principe, et n'ayant avec elle que des entretiens sérieux. À 40 ans, je n'avais assurément pu former aucune prétention sur une jeune fille de 16 ans, mais je dois rougir peut-être en t'avouant que la découverte de ses sentiments fut plus puissante encore que ses charmes, que je ne fus plus le maître de résister à ce double attrait, et que je répondis à son amour avec le même feu, mais non pas cependant sans réfléchir sur les suites de cet attachement et sans le renfermer dans les bornes que la vertu me prescrivait. Je l'adorais chaque jour davantage, mais loin de chercher à l'égarer, mon unique but fut d'en faire la compagne de ma vie, de la former pour moi, de lui inspirer les sentiments religieux qui m'animent et de l'initier dans les mystères de notre sainte religion. Je croyais connaître parfaitement la situation dépendante dont je pouvais la tirer, et je ne voyais nul obstacle à ce vœu de mon cœur. Et après avoir mis le sien à plus d'une épreuve, convaincu enfin qu'il m'appartenait en entier, je me laissai aller sans scrupule aux sentiments qui me liaient à cette fille charmante et qui l'entraînaient si fortement vers moi. Tu juges avec quel zèle non interrompu je suivis ce projet, et avec quelle facilité je réussis à la persuader de la vérité de ma croyance. Son âme réfléchissait la mienne, et tout ce que je lui disais s'y gravait à l'instant. Mais ce ne fut que lorsqu'elles furent tout à fait à l'unisson, et que ma jeune amie fut chrétienne par sentiment et par persuasion, que je me sentis irrévocablement lié à elle pour la vie, et que j'instruisis ces protecteurs de notre amour et de nos projets. L'effroi qui se peignit sur tous les traits d'Asinius en m'écoutant me découvrit à l'instant mon malheur. Valérie n'est point, comme je le croyais, la fille d'un de ses parents, et la naissance et le rang de son père qui vit encore sont de nature à ne pouvoir conclure un engagement sans sa volonté, ni à espérer d'obtenir son consentement pour notre mariage. Valérie est fille de l'empereur Dioclétien. Il y a 18 ans qu'il était en Bretagne, seulement alors préfet des prétoriens, mais on le regardait généralement comme devant monter un jour sur le trône. Une princesse bretonne l'aima, espérant qu'il la ferait un jour impératrice, elle lui accorda d'avance les droits d'un époux, et donna la vie à Valérie en la perdant elle-même. Sa fille fut confiée à une de ses femmes, qui lui promit de l'élever jusqu'au moment où son père voudrait la reconnaître, et cette femme, peu après la mort de sa maîtresse, épousa Asinius Ponticus qui partage avec elle ses soins pour l'orpheline, et l'aime avec une tendresse vraiment paternelle, la faisant passer pour la fille d'un de ses parents. Cependant, lorsque Dioclétien monta sur le trône, Asinius lui écrivit pour lui apprendre l'existence de sa fille, en lui envoyant toutes les preuves de la vérité. Dioclétien, qui avait joint à son nom celui de Valérius, en devenant empereur, lui donna l'ordre de la nommer Valérie, et de l'élever en silence, dans le plus grand secret, jusqu'à ce qu'il lui plût de l'appeler auprès de lui. Ce fut donc ainsi que j'appris mon sort et la perte de mes espérances. Je résolus de le supporter avec courage, et d'en aspirer à ma pauvre Valérie. Je voulus lui faire sentir la nécessité de renoncer l'un à l'autre, mais son cœur fut plus fort que sa raison, elle se livra au plus affreux désespoir, ne voulut pas entendre parler de séparation. Elle était décidée, me disait-elle, à s'enfuir avec moi, et à renoncer à tous les avantages que sa naissance lui promettait. Tu me tiendras quitte du récit du combat que j'eus à soutenir, et de la victoire douloureuse que je remportais, et qui laissa dans mon âme un déchirement que rien ne pourra guérir. Je sacrifiais mon bonheur, celui de mon ami, et mille fois plus que ma vie. Et ce n'était encore que le commencement de mes peines. Les parents d'adoption de Valérie s'alarmèrent de la violence de sa passion. Ils se défièrent de moi. Ils craignirent quelques démarches téméraires et la colère de l'empereur, et se décidèrent à faire disparaître Valérie et à la cacher quelque part. Il y a 5 mois qu'elle a quitté Eboracum, et vraisemblablement l'île entière. Toutes mes recherches ont été inutiles malgré la protection que ton père m'accorda, et j'ai tout lieu de croire qu'elle n'est plus en Bretagne. Je m'adresse donc à toi. Quoique j'aie perdu tout espoir de bonheur, je voudrais cependant connaître le sort de Valérie. Tu es à la cour d'Auguste. De grâce, tâche de savoir si la disparition de Valérie est une simple précaution de ses parents, ou si c'est l'effet d'un ordre exprès de l'empereur. Je suis convaincu que si tu peux quelque chose, j'aurai bientôt de ces nouvelles par elle-même. Je sais bien que cela ne me mènera à rien, puisque j'ai renoncé à elle, mais ma tranquillité est détruite, tant que j'ignore tout ce qui regarde un être qui m'était si fort attaché, et que j'envisageais comme la moitié de moi-même, et au malheur de qui j'ai contribué, quoique bien involontairement. Voilà ce qui me tourmente. Adieu, mon cher Constantin. Réjouis bientôt ton malheureux ami par une de tes lettres, quand même elle ne contiendrait rien sur Valérie. J'y trouverai toujours ton cœur et les consolations de ta tendre et fidèle amitié.